juin 2009, le physicien Stephen Hawking organisait une fête, la Time Travelers Party. Fête ayant pour but de recevoir des voyageurs dans le temps qui, informés de cet événement dans le futur, auraient donc pu s'y rendre rétrospectivement, de façon à prouver que le voyage dans le temps finira bel et bien par exister un jour. Or, personne n'est venu. Est-ce à dire que le voyage dans le temps est un pur fantasme et ne sera jamais possible? Pas tout à fait. Paradoxe temporel, hypothèse des paysages, durée de vie de l'humanité trop courte, nous avons une heure pour tout explorer de ce fantasme scientifique qui a tant inspiré la science-fiction. Le voyage dans le temps aura-t-il déjà eu lieu? C'est l'énoncé retors du problème que nous avons tenté de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parcourir ces couloirs du temps, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Roland Lehoucq. Vous n'avez pas encore de micro, mais bonjour tout de même. Vous êtes astrophysicien au CEA de Saclay et président de l'indispensable festival de science-fiction nantais Les Utopiales. Et nous accueillons également avec grand plaisir Marc Lachaiseret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS en astroparticules et cosmologie, auteur de Voyager dans le temps, la physique moderne et la temporalité aux éditions du Seuil dans la collection Science Ouverte. Mais avant d'ouvrir la brèche temporelle, eh bien nous allons rester encore quelques minutes dans notre présent, si tant est que le présent ait un sens, avec celui qui est à l'actualité des sciences, que le doc Emmett Brown est au voyage dans le temps, Xavier Martinet. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, un vieux débat qui vient d'être réouvert en astronomie, l'énergie noire ne serait qu'un mythe. Une nouvelle étude vient en tout cas, une fois de plus, secouer la théorie de l'expansion de l'univers, Xavier. Oui, parce que jusqu'ici, la théorie qu'on appelle standard et qui est affinée depuis un siècle, en gros du Big Bang à l'univers connu, en expansion et refroidissement, arrive à faire coïncider les équations d'Einstein qui sont compliquées et les observations des mouvements des galaxies. Le modèle tient, mais à condition que l'on suppose de l'énergie noire qui reste, elle, théorique, une sorte de carburant, si vous voulez, invisible, imaginé pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers, 68% en serait toujours constitué. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves matérielles de l'énergie ni de la matière noire. Or, on peut se passer du moins de l'énergie noire, affirme cette nouvelle étude américano-hongroise, basée là non sur des observations, mais sur des simulations informatiques. Ainsi, les astrophysiciens de Budapest ont comparé trois modèles, un standard avec de l'énergie noire, un standard sans énergie noire et un sans énergie noire, mais d'emblée hétérogène. C'est ce point qui est important. Et c'est ce dernier avec une croissance différentes qui ressembleraient le plus aux formes observables. Ainsi, depuis 20 ans qu'on utilise l'énergie noire, il y a trop d'incohérences, avance un des auteurs de l'étude, Laszlo Dobosch. Il est professeur à l'université Eötvös-Loránd de Budapest. Notre interprétation est que si vous regardez la structure de l'univers à grande échelle, elle est essentiellement constituée de vastes bulles d'espace sans objet observable. C'est ce que l'on a l'habitude d'appeler le vide. En fait, ce n'est pas vraiment vide. C'est une question de densité de matière. Dans ces bulles, elle est plus faible que la densité moyenne de l'univers. C'est pourquoi ces régions doivent se dilater plus rapidement que celles qui contiennent plus de matière que la moyenne. Si bien qu'on peut imaginer facilement que ces énormes bulles de sous-densité finissent par exploser dans l'univers à cause de leur vitesse d'expansion plus rapide. Et c'est cela qui cause l'accélération de l'expansion de l'espace-temps. Donc nous n'avons pas appliqué les équations d'Einstein à un univers d'emblée irrégulier. Nous avons juste utilisé une autre sorte d'approximation, différente du modèle standard, qui suppose que des zones différentes de l'univers peuvent s'étendre à des vitesses différentes, selon leur propre rythme, plutôt que de chercher à déterminer une vitesse globale d'expansion. Donc nous avons bien conservé l'hypothèse de matière noire, comme les modèles standards, mais on a enlevé l'énergie noire. Et de la même façon que le modèle standard est au fond une approximation des équations d'Einstein, le nôtre ici n'est qu'une approximation différente. Mais la communauté scientifique va maintenant pouvoir choisir lequel est préférable. Et étant donné que notre modèle ne diffère que légèrement du modèle cosmologique standard, nous allons maintenant pouvoir les comparer avec des observations plus précises. Voilà, ce n'est pas la première étude de ces dernières années qui ébranle ce modèle standard, Xavier. Non, notamment en 2015, une étude d'un astrophysicien d'Oxford qui tendait à exprimer également des doutes sur l'énergie et la matière noire et qui révisait ainsi la certitude d'une accélération de l'expansion. Là, c'était une étude à partir de données de 740 supernovas, généralement utilisées pour élaborer ce genre de modèle. Mais l'étude a été réfutée. Pour l'instant, on en reste au modèle standard. Ainsi, le chercheur au laboratoire d'astrophysique de Tarbes et Toulouse, Alain Blanchard, avait lui aussi, à une époque, exprimé des doutes quant à l'énergie noire. Il parle même d'un schisme au sein de la communauté scientifique, oui, mais il ne croit pas plus dans cette révélation. Il parle d'une erreur d'interprétation mathématique pour, je cite, des équations qu'un étudiant en maîtrise peut faire. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre une simulation, parce qu'ils appellent une simulation numérique, c'est-à-dire de regarder l'évolution de différents volumes sphériques au cours du temps, et de penser que l'évolution moyenne de l'univers, c'est l'évolution de cette famille de volumes sphériques. Alors, l'idée que l'inhomogénéité affecte l'expansion de l'univers, je crois qu'en fait, on l'est très très ancienne. Moi, j'avais retrouvé des articles dès les années 30 qui se posaient la question. Eux, ils concluent qu'il n'y a pas d'énergie noire. On est dans un univers qui est soumis aux lois de la gravitation classique, voire newtonienne, hein, parce qu'en fait, la dynamique de ces régions sphériques, elle est décrite par des équations qui sont de la dynamique de Newton. Moi, je pense que ça ne peut pas fonctionner parce que ça induit des changements profonds dans la physique. Si l'accélération est vraiment due à quelque chose comme une constante cosmologique, ça nous met sous le nez qu'il nous manque un morceau très important de la physique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts faits par la communauté des cosmologistes avec des grands projets de télescopes dédiés, de satellites. Le satellite européen Euclide va être complètement centré sur cette problématique. Caractériser cette énergie noire pour essayer de comprendre son origine physique. Voilà un sujet qui a suscité quelques réactions de la part de nos invités qu'on entendra tout à l'heure, Roland Houk et Marc Lachiezeray, sur cette question de l'énergie noire. On en parlera à la fin de votre journal, mais on passe au bref, Xavier. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espéraient tant de la vie sur ce nouveau système de l'étoile Trappiste. A priori, c'est mal barré. Oui, on les attendait, ces observations de la naine rouge aux 7 planètes. On en parle depuis février. Les scientifiques avaient de bonnes raisons de supposer 3 d'entre elles habitable, avec potentiellement de l'eau liquide et une atmosphère. Or, les données du télescope Kepler, analysées par le Konkoli Observatory, là encore en Hongrie, révèlent que l'étoile, quoique froide par rapport à des astres plus gros, développe de puissantes et fréquentes éruptions, 42 en 80 jours, la plus grosse semblable à celle de notre Soleil, avec des planètes beaucoup plus proches que nous. Les conséquences sont lourdes. S'il y avait une possibilité d'atmosphère sur les 3 habitables, elle a probablement fondu sous l'effet de ces particules à haute énergie, une sorte d'érosion stellaire. Deuxième sujet cette semaine, une avancée inédite dans la lutte contre le VIH en France. Des chercheurs ont trouvé un moyen de débusquer le virus là où il se cache. Oui, d'habitude invisible, là, il s'agit d'une protéine CD32A, un marqueur qui identifie de manière sûre ce qu'on appelle les réservoirs du VIH, puisqu'aujourd'hui, les trithérapies à vie permettent bien de réduire le virus dans le sang à des taux quasiment indétectables. Mais un des gros problèmes depuis au moins 20 ans reste sa capacité à se dissimuler dans certains lymphocytes des cellules du sang pour se réveiller au moment opportun. Ainsi, avec cette protéine, il est repéré. Les chercheurs l'ont prouvé in vitro et puis depuis juillet dernier en clinique sur 16 personnes malades. Ainsi, c'est un peu comme traquer un groupe armé qui irait se replier dans une grotte en attendant que l'armée soit partie, mais comme s'il laissait aussi derrière lui une traînée colorée repérable. C'est donc une découverte de recherche fondamentale, pas encore une victoire, mais un pas tactique ou stratégique important dans la lutte contre le VIH. Écoutez le découvreur de cette protéine, Mansef Benkiran, déjà auteur de nombreuses découvertes et directeur de l'Institut de génétique humaine de Toulouse. Alors, elles sont très rares en nombre déjà, donc on parle d'une cellule sur 1 million. Deux, on n'avait aucun moyen de les différencier des cellules saines. Donc ça rendait le travail du chercheur vraiment compliqué. Maintenant, si vous me montrez 1 million de cellules, on peut vous dire c'est celle-là. Ça nous permet de les cibler et de les tuer. On n'est plus dans une stratégie de purge, parce que la stratégie de purge consiste principalement à induire le virus dans ces cellules réservoirs et continuer la trithérapie. Les cellules produisant le virus vont mourir et puis la trithérapie va empêcher la dissémination du virus. Là, on est plus dans une stratégie, je dirais, de ciblage direct pour une élimination de ces cellules sans réactiver le virus qui y est contenu. Il y a plusieurs groupes dans le monde hein, qui travaille sur cette thématique, des Britanniques, des Américains, des Européens, des Australiens, des Chinois, un peu partout. Donc je pense que d'ici à quelques années, vu un petit peu l'effort qui va être mis dans cette thématique, je pense qu'on va avancer nos connaissances de façon vraiment spectaculaire par rapport à ce réservoir. Et je pense que d'ici là, ben, on verra beaucoup plus clair sur la stratégie à utiliser pour l'éliminer. En tout cas, la porte, elle est ouverte. C'est ça qui est merveilleux. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, les bourdons travaillent mieux quand ils sont un peu bêta. Oui, c'est une étude anglo-canadienne sur les performances en butinage de ces insectes qui vivent comme les abeilles en colonie. Ils sont mellifères aussi et ils contribuent à la pollinisation. Alors pour qu'ils le fassent bien, il ne faut pas que leur capacité d'apprentissage soit trop développée. En effet, explique l'étude qui porte sur 85 bourdons étudiés dans 5 colonies, puisqu'une fois qu'ils ont appris avec les scientifiques à repérer quelle fleur de quelle couleur contient le plus de pollen et qu'ils sont identifiés, les bourdons sont relâchés dans la nature. Le résultat, c'est qu'ils ont des performances identiques au butinage, quelle que soit celle de leur apprentissage. Ainsi, les bourdons les plus intelligents sont plus rapides, mais ne récoltent pas plus en volume pour autant, d'où l'interprétation. Mieux vaut être bête, tout son temps au moins est utilisé. Et puis l'explication physiologique, le tissu neuronal est coûteux en énergie à fabriquer et à entretenir. Je cite l'étude, butiner est énergivore, mais apprendre aussi. Merci beaucoup Xavier pour ce journal qui nous a appris en revanche beaucoup de choses. Vous vouliez réagir Marc Lachiezeray ou Roland Lehoucq sur cette information liée à cette étude sur éventuellement un modèle qui pourrait se dispenser de l'énergie noire? Oui, parce que bon, moi j'ai travaillé quand même plus de 30 ans sur ce sujet. J'ai jamais cru à l'énergie noire. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à justifier. Donc je suis assez content de cette nouvelle. Et évidemment, c'est une idée qui a été émise il y a très longtemps, mais qui curieusement n'a jamais été testée. Et justement, ce que je tendrais à reprocher à mes collègues, c'est d'avoir plongé dans cette idée, dans ce mythe de l'énergie noire, et de ne pas avoir examiné suffisamment les idées concurrentes, comme celle-ci de l'effet de l'inhomogénéité. Donc je suis content qu'il y ait enfin des simulations. Je pense que c'est le début, en tout cas, d'un travail qui devrait concurrencer cette espèce d'obnubilation sur l'énergie noire. Un travail de révision nécessaire voilà. Aussi, à votre avis, Roland Lehoucq ? Oui, certainement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un travail de simulation. Ça montre que l'astrophysique, maintenant, ne progresse plus seulement par l'observation, mais aussi par le calcul, et pas par le calcul papier-crayon, mais aussi par le calcul numérique et éventuellement des simulations. Et évidemment, on pourrait facilement tomber dans un travers qui est de dire, puisque c'est montré dans le calcul, c'est donc que c'est juste, alors que peut-être le calcul ne rend compte que des choses qu'on a mises dedans. Et donc, il y a toujours cette complexité dans la cosmologie en général, l'astrophysique aussi bien sûr, du fait qu'on ne peut pas accéder directement aux phénomènes, qu'on ne peut pas les reproduire en laboratoire, qu'on est à l'intérieur de ce que l'on observe, on est à l'intérieur de l'univers que l'on observe, et qui donc pose finalement des questions épistémologiques sur le fonctionnement de la cosmologie qui ne se posent pas dans une discipline de physique expérimentale plus standard, où là on est vraiment à l'extérieur du petit bocal, si j'ose dire, dans lequel on fait son expérience. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'un prototype expérimental réduit. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Transporter un homme ? Pourquoi faire ? C'est une machine à explorer le temps. L'avenir et le passé. Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. Je vous l'ai déjà dit, docteur. Avec un plus grand modèle, on pourra transporter un passager à travers le temps. Pas à travers l'espace, à travers le temps. Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de nous attirer des ennuis ? Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer. Je me le demande. C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée ? Peut-il changer le monde de demain ? Le futur est-il irrévocable ? Extrait du film La machine à remonter le temps, le film de 1960. Ce qui est irrévocable en tout cas, c'est qu'il nous reste à peu près 43 minutes 15, très précisément pour parler du voyage temporel, de ce que la physique, l'astrophysique, la philosophie et la fiction également ont à en dire, ce qui nous fait un programme chargé. Sera-t-il possible un jour ce voyage dans le temps ? Si oui, quand et comment ? Ou bien, comme le dit Stephen Hawking, même s'il s'avère que le voyage temporel est impossible, il est important de comprendre pourquoi il est impossible. Pour en parler donc, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA de Saclay, président donc du festival Les Utopiales à Nantes, festival de science-fiction, et Marc Lachiezeret, directeur de recherche émérite au CNRS en astroparticules et cosmologie. Pour bien comprendre donc les tenants et les aboutissants du voyage dans le temps, il faut commencer par bien comprendre ce qu'est le temps. Or, pour commencer tout de suite à se faire quelques nœuds au cerveau, et nous allons nous en faire un certain nombre au cours de ces 43 minutes, eh bien, Marc Lachiezeret, vous dites quelque chose d'assez simple, c'est que le temps en fait n'existe pas. Oui, en tout cas, le temps tel que nous en avons l'intuition, la conception, est tel que celui dont Newton énonçait les propriétés dans ses Principia. Alors, il n'existe pas, c'est ce que dit la relativité, mais le temps n'existe pas parce que la relativité le dit, c'est plutôt que Einstein a construit ses théories de la relativité parce qu'il s'est aperçu, avec des expériences réelles et des expériences de pensée, que l'existence du temps, donc tel que nous le concevons, est incompatible avec la réalité du monde. Et ça déjà donc à l'époque d'Einstein, il y a un peu plus d'un siècle, mais aujourd'hui nous avons quantité d'expériences, d'observations avec des particules qui vont très vite dans les accélérateurs ou dans les rayons cosmiques, avec la navigation spatiale. Nous avons l'évidence que ce qu'on appelle le temps ne peut pas exister. Donc il faut avoir une conception différente, qui est celle de la relativité générale, qui est fondée non pas sur le temps et l'espace, mais sur quelque chose de plus global qui s'appelle l'espace-temps. Alors, une question de Béotien, que cette horloge qui fait défiler des secondes au mur, elle mesure quoi, Roland Lehoucq ? Elle mesure des durées. Elle mesure pas le temps. Elle mesure des durées. Et en fait, notre conception de ce que nous appelons le temps, on pourrait déjà la définir de façon assez opérationnelle. On veut essayer de se repérer quantitativement et de classer quantitativement les événements qui se succèdent. On peut dire cet événement s'est produit avant celui-là. Éventuellement, cet événement est la cause de celui-là. Mais ça reste assez qualitatif. Et on veut pouvoir se donner rendez-vous à 12h30 à tel endroit. Et donc pour ça, il faut essayer déjà de pouvoir mesurer des durées, donc des ce qu'on appellerait des intervalles de temps, des durées, et les mesurer par des phénomènes qui sont suffisamment reproductibles et homogènes pour que tout le monde ait l'impression de tomber d'accord. Au moins, en première approximation, tout le monde peut tomber d'accord. Et donc, on commence par utiliser des phénomènes périodiques qui reviennent identiques à eux-mêmes régulièrement. Il suffit de le constater d'une certaine façon, même si cette constatation, Marc en reparlera tout à l'heure, nous en reparlons tout à l'heure, peut être évidemment différente selon les observateurs. En première approximation, on constate que le soleil se lève et se couche, et ça donne déjà un bon marqueur du temps qui passe, des durées qui s'enchaînent, qui s'additionnent les unes aux autres, et qui forment ce qu'on appelle le temps, par addition de durées successives. La même chose vaut aussi peut-être pour l'espace, finalement, puisque on a commencé à mesurer l'espace, finalement, en comparant la longueur à mesurer avec une longueur étalon. Mettons un mètre, ou un pied, ou ce que vous voulez, ou un pouce, et vous comptez combien de fois il y a un mètre, les talons, dans la longueur que vous les mesurez. Et donc, ce que vous mesurez en réalité, ce ne sont pas des longueurs, disons, initialement. Ensuite, la définition du mètre a bien évolué, on en reparlera certainement. Mais vous comparez la longueur avec la longueur de l'étalon, vous faites un rapport de la longueur à mesurer et de l'étalon. Et pour les durées, vous allez accumuler des durées, vous allez définir une durée étalon. Par exemple, le temps que votre balancier met pour faire un aller-retour. Et ça, vous allez dire, c'est une durée étalon, et vous allez rapporter les autres durées à cette durée étalon. Marc Lachiezeret, pourquoi est-ce que ce que propose Einstein, pourquoi est-ce que tourner la page de la physique newtonienne, ça change, ça bouleverse les choses, de dire que le temps est une dimension, une quatrième dimension de ce continuum qui est l'espace-temps ? Oui, alors justement, non, le temps n'est pas une quatrième dimension. L'espace-temps a quatre dimensions, mais dans ces quatre dimensions, il n'y en a pas une qu'on peut appeler le temps. Et bon, ben, je rebondis sur ce que Roland Lehoucq vient de mentionner. Effectivement, la notion fondamentale, c'est la durée, parce que ce que nous ressentons, nous, mais ce que mesurent aussi nos mondes, nos horloges, etc., ce sont toujours des durées. Et je prends un petit exemple qui va pouvoir nous introduire à cette problématique du voyage dans le temps. C'est, voilà, nous sommes trois dans ce studio, nous sommes rentrés au même moment exactement, nous en sortons exactement au même moment, et on va dire à la fin, on va être d'accord pour dire, bah, il s'est écoulé, par exemple, une heure de temps. Bon, pourquoi il s'est écoulé une heure de temps ? C'est parce que, pour moi, il s'est écoulé une durée d'une heure, pour Roland aussi, et pour vous aussi. Et en fait, si on avait des montres ou des horloges d'une très grande précision, on s'apercevrait que on n'a pas vécu exactement la même durée. Moi, j'ai vécu une heure, Roland a vécu une heure moins une petite fraction de seconde, et vous, plus une petite fraction de seconde. Dans la vie courante, c'est non mesurable, c'est indiscernable, on n'en tient pas compte, donc on est d'accord, on a vécu la même durée, et on va dire c'est ça le temps. Dans la vie réelle, quand il y a des particules qui vont vite, ou quand on est dans l'espace, etc., ça n'est pas du tout le cas. Les durées de phénomènes qui commencent par le même événement, qui finissent par le même événement, sont différentes. Et il y a pas moyen de définir le temps, parce que si l'un disait ma durée, celle correspond au temps, les autres seraient pas d'accord. Et c'est ce qu'Einstein a compris, qu'il n'y a aucun moyen de faire coïncider les durées pour quelque chose qui s'appelle le temps. Bon, ça c'est bien établi, et c'est bien pris en compte par les théories de la relativité. Et c'est à la base d'une première notion de voyage dans le temps, qui est ce qu'on peut appeler le voyage dans le temps vers le futur, et qui est quelque chose de tout à fait normal dans la théorie de la relativité, qui se produit sans arrêt, non pas pour les humains, encore que ça se produit d'une certaine manière, mais c'est indiscernable, et qui se produit sans arrêt pour les particules élémentaires, pour les satellites, etc., à condition de bien définir ce que ça veut dire. On a cru, hein, il y a quelques années, avoir trouvé le Saint Graal des physiciens, une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière, espoir vite douché, puisqu'il s'agissait d'un faux positif dû à un problème de branchement. Bref, pour autant, les physiciens n'ont pas abandonné cette quête de la particule supraluminique. Écoutez, Jacques du marché, qui est spécialiste des neutrinos à l'UPMC, il répond à Antoine Beauchamp. Si par hasard les neutrinos avaient été plus vite que la vitesse de la lumière, est-ce que ça pourrait être utilisé comme un outil de voyage dans le temps? À vrai dire, je n'en sais rien. Pour moi, la possibilité de voyager dans le temps est assez facile à concevoir pour aller vers le futur, c'est-à-dire. Et c'est ce que, en gros, on peut constater avec les particules elles-mêmes lorsqu'on les accélère dans un accélérateur ou lorsqu'elles sont accélérées dans l'univers. Elles s'approchent de la vitesse de la lumière. Et en s'approchant de la vitesse de la lumière, c'est une conséquence de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, leur temps propre ralentit. C'est ce qu'on formule en général par le paradoxe des jumeaux. Lorsque vous avez deux jumeaux, il y a un reste sur Terre, l'autre part dans une fusée qui va à une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Eh bien, celui qui est dans la fusée, lorsqu'il revient sur Terre, il est beaucoup plus jeune que celui qui a subi le temps normal à la vitesse normale de la Terre, quoi. Donc ça, c'est concevable et ça se voit avec les particules que l'on accélère. Effectivement, les muons cosmiques qui arrivent normalement, les muons ont une durée de vie très brève, de l'ordre de la microseconde. Mais lorsqu'ils ont une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière, eh bien, ils peuvent traverser toute l'atmosphère et arriver jusqu'à la Terre en prenant leur temps, en quelque sorte. Leur temps est dilaté. Mais le voyage dans le passé, pour moi, n'est concevable que à travers une singularité de l'espace-temps que l'on appellerait un trou de ver, dont on ne sait pas si elle existe, qui serait associée à un trou noir et qui permettrait de connecter des régions d'espace-temps qui ne sont pas connectées au quotidien. Pourquoi, quand on parle de voyage dans le temps, on fait immédiatement le lien avec la vitesse de la lumière ? C'est lié à au cadre général de pensée depuis un siècle, qui est celui de la relativité restreinte d'Einstein. La vitesse de la lumière est cette barrière infranchissable, mais qui, lorsqu'on s'en approche, a une conséquence sur l'écoulement du temps. Et donc, voilà, le voyage dans le temps, il est lié à la vitesse de la lumière parce que c'est lié d'une façon cohérente dans la relativité restreinte qu'a définie Einstein. Et c'est ce qui permet effectivement de penser et d'observer qu'effectivement le temps s'écoule moins vite lorsqu'une particule va très vite ou lorsque, dans un futur imaginable, allant dans une fusée très rapide, on pourrait vieillir moins vite que les gens qui resteraient sur Terre. Mais c'est un futur imaginable, surtout dans la science-fiction, parce que les énergies qui doivent être mises en jeu pour atteindre ces vitesses qui s'approchent un peu de la vitesse de la lumière sont considérables. Est-ce qu'une particule qui va plus vite que la lumière, c'est possible ? Dans le cadre théorique aujourd'hui, non, c'est pas possible. Dans le cadre théorique qui est bien vérifié expérimentalement, tout ce qui a été vérifié expérimentalement se place dans un cadre dans lequel rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Maintenant, comme toute limite, on cherche à la dépasser, effectivement, et c'était l'objet de cette expérience et mesure qui a été faite avec les neutrinos. On a une limite, on va voir si on peut pas la dépasser, parce que dépasser une limite, c'est dépasser une théorie, c'est donc essayer de penser plus large, d'essayer d'élargir le cadre dans lequel on pense aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à faire en permanence dans la recherche. Alors, la seule chose que je puisse dire aujourd'hui, c'est que non, rien n'a pour le moment été observé qui puisse aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais on le cherche, et on va continuer de le chercher, même si le cadre théorique qu'il faudrait construire pour inclure des particules ou des objets qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière est assez ardu. Il y a des idées, mais ça n'aboutit pas pour le moment à un cadre cohérent qui soit apte à remplacer ou à englober, disons, les choses qui marchent très bien aujourd'hui. Donc c'est du futur, mais c'est une activité qui est florissante, enfin, qui serait d'autant plus florissante si un premier signe de violation de cette loi-là se faisait jour, un petit peu comme les neutrinos il y a 2 ans, 3 ans. Le reportage d'Antoine Beauchamp qui a suscité quelques réactions ici en studio. Marc Lachiazeret. Bon, il y a deux ou trois choses exactes là-dedans. Mais oui. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut jamais parler de ralentissement du temps, de contraction des durées. Ça n'existe pas. Bon, le temps n'existe pas, donc il peut pas se contracter. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, le temps qui se contracte par rapport à quoi, ou le temps qui se ralentit? Non, ça n'a pas de sens. Tu veux intervenir, Roland? Oui, Roland, c'est-à-dire que cette histoire de vitesse plus grande que la lumière, il faut la remettre dans son contexte. Quand Einstein fonde sa relativité restreinte, il donne deux hypothèses, deux principes qui vont la fonder. Le premier, c'est le principe de relativité. Il étend le principe de relativité galiléen à l'ensemble de la physique connue à l'époque d'Einstein, et qui est un ensemble plus grand que ce que connaissait Galilée. Quand Galilée dit son principe de relativité, qui se dit en gros « le mouvement est comme rien », le mouvement en translation rectiligne uniforme est comme rien, il pense à la mécanique. Et pour lui, si vous êtes en translation rectiligne uniforme, et il a une expérience de pensée très belle, dans un bateau où vous ne voyez pas l'extérieur, toutes les expériences que vous allez mener à l'intérieur du bateau ne vous prouveront pas, ne pourront pas vous montrer que vous êtes en mouvement plutôt qu'au repos. Mmh. Et donc, ça c'est le principe de relativité galiléenne qu'Einstein étend à toute la physique. Et il a une deuxième hypothèse, il suppose que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel, ou dit plus clairement, tous les observateurs, quel que soit leur mouvement vis-à-vis des sources de lumière, vont mesurer la même vitesse de la lumière dans le vide, 300 000 km par seconde environ. Cette deuxième hypothèse, Einstein l'a fait, elle lui est pratique. Maintenant qu'on sait mieux, maintenant qu'on a digéré tout ça, on n'a pas besoin de la faire. Il a juste à faire l'hypothèse relativité étendue de Galilée, l'hypothèse de relativité d'Einstein, et deuxièmement, supposer des choses très basiques, que l'espace et le temps sont homogènes, que l'espace est isotrope, et de la conservation du principe de causalité, que les effets suivent toujours les causes. Chose sur lesquelles c'est une sorte de base commune des physiciens. Si on enlève tout ça, la physique est foutue. En tout cas, il faut faire quelque chose de vraiment compliqué. Mmh. Et avec ces simples principes-là, on peut démontrer toute la relativité restreinte d'Einstein, toutes les équations, toutes les formules, tout ce que vous voulez, et notamment montrer qu'il existe une quantité qui apparaît spontanément dans les équations, une sorte de constante qui apparaît spontanément, dont la nécessité est automatique et mathématiquement obligatoire, et que cette constante a les dimensions d'une vitesse, et que cette vitesse a la propriété particulière d'être indépassable et d'être la même pour tous les observateurs. Ça, c'est la construction moderne que l'on pourrait faire de la relativité restreinte. Cette vitesse indépassable, la même pour les observateurs, quelle est l'entité physique qui la représente? La question se pose de façon inverse de celle d'Einstein, qui suppose que c'est la lumière. On constate expérimentalement que la lumière a les propriétés de cette vitesse indépassable à une précision extraordinaire. Si les neutrinos avaient été plus vite que la lumière, cela n'aurait sûrement pas mis à bas la relativité restreinte, ça aurait simplement changé le vecteur de cette vitesse indépassable. Et on aurait pu être superluminique, mais pas superneutrinique. Il se trouve que les propriétés de cette vitesse indépassable, cette vitesse invariante par changement de référentiel, donc identique pour tous les observateurs, la lumière là, avec une précision actuelle qui est de 10 puissance moins 17, ça veut dire un millionième, un cent millionième de milliardième. Bon, c'est assez précis. Donc, ça veut dire que on ne dépassera pas la vitesse indépassable, qui est invariante pour tous les référentiels. Il se trouve que c'est celle de la lumière. Dans le cas de la relativité restreinte, on ne dépassera pas la vitesse de la lumière Point. Et il n'y a pas de discussion à ce sujet. Marc Lachaiserey, vous voulez réagir à ça ? Oui, peut-être on peut rentrer dans le vif du sujet et je vais rebondir sur ce que dit Roland, parce que on va examiner deux sortes de voyages dans le temps finalement, ce qu'on appelle le voyage vers le futur et ce qu'on appelle le voyage dans le passé, qui sont deux choses très différentes. Mais il faut bien comprendre que quel que soit le voyage dans le temps, le type aussi tordu de voyage dans le temps qu'on puisse imaginer, de toute manière, les durées vont toujours se dérouler de manière normale. C'est-à-dire, il n'y a jamais un temps qui va aller plus vite, il n'y a jamais des longueurs ou des durées qui vont se contracter ou se dilater. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est toujours dans le temps qui s'écoule de manière normale. Et ce dont on peut s'apercevoir aussi, c'est que dès qu'on se rend compte que le temps dans le sens habituel n'existe pas, ce dont on s'est aperçu expérimentalement, observationnellement, et ce que dit aussi la relativité, eh bien à ce moment-là, les possibilités de voyage dans le temps, de manière théorique, deviennent tout à fait vraisemblables. Et en relativité, puisqu'on se place dans ce cadre aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on aura des théories encore plus globales et que ça sera différent. Mais aujourd'hui, en relativité, les deux choses sont permises au moins en théorie. Et la première, comme le disait je ne sais plus qui qu'on a entendu tout à l'heure, est une simple banalité. Et je prends un exemple. Supposez que vous ayez envie de savoir ce qui va se passer sur notre planète Terre en l'an 3000. Mm-hmm. Vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vivre un siècle, quelque chose de l'ordre d'un siècle, mais pas 1000 ans. Et donc, est-ce que vous avez la possibilité de savoir, d'expérimenter ce qui se passe sur la Terre en l'an 3000 ? La réponse est oui. Il suffit de monter dans un vaisseau spatial, d'accélérer suffisamment, et puis si votre accélération vous permet d'aller à une vitesse pas trop petite devant la vitesse de la lumière, vous allez faire un voyage dans l'espace-temps. Vous allez, après un voyage qui a eu une durée de par exemple 10 ans, vous retrouvez sur Terre en l'an 3000. Il n'y a aucune contre-indication théorique à ce voyage temporel vers le futur. C'est tout à fait possible. Ça avait d'ailleurs déjà été finalement anticipé par Paul Langevin, qui était un ami d'Einstein, qui voulait illustrer la relativité. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, la seule chose qui nous en empêche, c'est qu'on n'a pas le carburant et les moteurs nécessaires pour accélérer l'énergie, et puis que non plus on pourra difficilement supporter le nombre de G, l'accélération qui devrait nous porter là-bas. Mais c'est tout à fait possible, et si ça ne se produit pas, si ça ne s'est pas produit pour des humains, ça se produit sans arrêt pour des particules élémentaires dans les accélérateurs ou dans les rayons cosmiques. C'est-à-dire que pour résumer ça, on pourrait dire que vers n'importe quel point du futur, il existe un trajet dans l'espace-temps qui est arbitrairement court. Mais voilà, le problème, c'est que ça veut dire qu'il existe un futur commun. En fait, on a vu que pour définir ce qu'on appelle, nous, le temps, on le fait par accumulation de durée. Donc moi, je peux définir ce qu'est mon temps avec mon horloge propre, qui va mesurer des durées que je vais accumuler. Marc va faire la même chose, mais Marc se déplace par rapport à moi, il monte des étages, il descend des étages, je fais la même chose, je prends l'avion, je vais sous la mer, bref, on a des vies différentes, on a des altitudes, donc dans des gravités différentes, il y a des vitesses différentes, on a des temps différents. Je peux aller dans le futur de Marc, Marc peut aller dans mon futur, s'il le fait un voyage au sens qu'il vient de définir, mais je peux pas aller moi dans mon futur. Moi, j'irai toujours vers mon futur au rythme de une seconde propre, chaque seconde propre. Marc peut aller dans mon futur au rythme de une microseconde propre pour lui, pour une seconde propre. S'il est accéléré suffisamment. S'il a une vitesse relative à moi, alors il y a une part d'accélération pour atteindre cette vitesse, évidemment. Le point étant d'abord le mouvement relatif, l'accélération aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que cet effet a été mesuré. Et récemment, avec les horloges les plus précises que nous ayons, qui sont des horloges atomiques qu'on appelle des fontaines optiques, eh bien, ces horloges les plus précises que nous ayons, si on suppose qu'on en a deux, enfin, si on suppose, ça a été fait, on en a deux synchronisées qu'on met dans une pièce, et qui donc sont synchronisées, restent synchronisées. On en prend une, on la monte quelques mètres plus haut, où elle va être dans un champ de gravitation terrestre un tout petit peu plus faible parce que plus loin du centre de la Terre, et puis on la ramène, eh bien elle est désynchronisée. Pourquoi ? Parce que les horloges, encore une fois, ne mesurent pas le temps, mais elles mesurent les durées de leurs histoires. Et ces durées, dans ce cas-là, ces histoires ont des durées différentes. Ce qui prouve bien d'ailleurs que le temps ne peut pas exister, parce que si le temps existait et une horloge marquerait le temps et l'autre non, mais laquelle des deux aurait raison, il n'y a pas moyen de décider. Et donc, c'est une expérience qui a été faite tout à fait concrètement et qui montre vraiment de manière spectaculaire qu'à l'échelle d'une simple pièce, puisqu'on a déplacé l'horloge de quelques mètres seulement, le temps ne peut pas exister dans le sens, le temps dans le sens intuitif et dans le sens newtonien. Oh, oh, qu'est-ce que je t'avais dit ? 88 miles à l'heure ! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1h, 20 minutes et 0 secondes ! Oh, oh, mais c'est pas vrai ! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein ! Du calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout ! Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes ! Intactes ? Mais merde, où sont-ils ? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils ? Oh. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps ! Je l'ai envoyé dans notre futur ! 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21min0s, nous allons le rejoindre, lui et la machine, à voyager dans le temps. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? À partir d'une DeLorean ? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Voilà, vous aurez bien sûr reconnu le Doc Emmett Brown dans le premier retour vers le futur de Robert Zemeckis, puisque nous parlons du voyage dans le temps tout au long de cette heure avec nos deux Doc Brown ici à nous, Roland Lehoucq et Marc Lachiezeray. On va continuer à évoquer un peu, alors on vient de parler donc de l'inexistence du temps, de la possibilité théorique de voyager vers le futur. On va essayer d'élargir un peu la question du voyage dans le temps à celui qui a tant nourri la science-fiction depuis très très longtemps, celui du voyage vers le passé. Est-ce que si nous pouvions voyager dans le passé, déjà est-ce que le voyage vers le passé, vous le disiez tout à l'heure Marc Lachiezeray, est prévu, est envisagé par les théories d'Einstein, pas le chien, le physicien, pourrions-nous donc envisager de voyager en dehors de ce qui est notre ligne d'univers? Et qu'est-ce que c'est que notre ligne d'univers d'ailleurs, Marc Lachiezray? Oui, je vais vous en parler. Donc, d'abord, une petite remarque quand même, c'est que quand on entend ces extraits de films ou quand on lit des livres, etc., on entend des énoncés qui nous paraissent absurdes ou paradoxaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, ces expériences, ces possibilités existent, sont tout à fait permises par la relativité, par la physique d'aujourd'hui. Le seul moment où elles paraissent absurdes ou paradoxales, c'est quand on essaye de les réconcilier avec l'existence du temps. C'est-à-dire que les physiciens relativistes qui n'utilisent pas cette notion de temps arrivent à très bien décrire toutes ces expériences avec, par exemple, des notions de durée mesurée, sans aucun paradoxe, sans qu'il y ait absolument rien qui choque la logique. Donc, ce qui présente un côté paradoxal, bien souvent, c'est le désir de réconcilier des expériences réelles ou des observations réelles avec cette notion de temps qui n'est pas valable. Quoi. Voilà. Bon. Quant à la question que vous me posiez, vous êtes qui vous êtes, et de toute manière, quoi qu'il arrive, eh bien, nous allons dans notre propre futur. C'est-à-dire, notre vie avance seconde après seconde, et seconde après seconde, on se rappelle des secondes précédentes, et parce qu'on a une mémoire, et finalement, la succession de tous ces événements que nous vivons seconde après seconde, c'est exactement ce qu'on appelle notre ligne d'univers. Et notre ligne d'univers, quoi qu'il arrive, nous la vivons, disons, à notre rythme propre, avec les secondes qui s'écoulent, qui rythment le battement de notre cœur, notre respiration, nos pensées, nos émotions, etc. Et quoi qu'il arrive, nous la vivons de notre passé vers notre futur. Bon, et cette ligne d'univers, on peut l'imaginer comme une ligne qui se dessine dans l'espace-temps. Et quand l'espace-temps est assez régulier, c'est-à-dire dans l'environnement, par exemple, qui est celui que nous avons ici sur Terre, dans le système solaire et même dans notre galaxie, eh bien, tout va bien parce que les lignes d'univers de nous tous sont à peu près cohérentes, elles se déroulent à peu près, pas tout à fait parallèles, mais à peu près, elles vont dans la même direction. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir l'illusion du temps, parce que on peut grosso modo définir une direction globale dans l'espace-temps qui est celle de nos lignes d'univers et qui, dans une certaine approximation, nous permet de définir ce qu'on appelle le temps. C'est pour ça qu'on arrive à se donner des rendez-vous et puis à être à peu près à l'heure au rendez-vous et avoir une notion du temps commune. Et tant qu'on ne veut pas être trop précis, ça marche très bien. Mais il peut arriver, que l'espace-temps soit un peu replié, qu'il ait une courbure très forte, et la relativité générale parle beaucoup de la courbure de l'espace-temps, et que à cause de cette courbure de l'espace-temps, la ligne d'univers qui elle-même est dans l'espace-temps, est une ligne de l'espace-temps, arrive à revenir presque sur elle-même et à former une sorte de boucle. On appelle ça les boucles temporelles, et on peut imaginer des boucles temporelles complètement fermées ou des boucles temporelles, disons, approximativement fermées. Et ce que on voudrait appeler voyage dans le temps vers le passé, c'est très exactement une boucle temporelle approximativement fermée. Je m'explique. Moi, quoi qu'il arrive, je vis le long de ma ligne d'univers. Si je suis dans une situation où cette ligne d'univers est une boucle, ça veut dire que le point de ma ligne d'univers qui correspond à moi à l'âge de 20 ans et le point de ma ligne d'univers qui correspond à moi à l'âge de 40 ans, qui normalement, dans une situation normale, serait très éloigné dans l'espace-temps, si ma ligne d'univers est bouclée, ils peuvent se retrouver très proches. C'est-à-dire que je peux me retrouver, comme dans une nouvelle de Borges, assis sur un banc à côté d'une version de moi-même à 40 ans. Et ça, c'est toute la problématique du voyage dans le temps vers le passé. Alors, le premier qui a émis l'idée que quelque chose, enfin plutôt qui a montré que la relativité générale permettait quelque chose comme ça, c'est le logicien Kurt Gödel. Kurt Gödel, logicien bien connu parce qu'il a donné une contribution extrêmement importante aux mathématiques avec son théorème d'incomplétude, se trouvait à Princeton en même temps qu'Einstein. C'était un grand ami d'Einstein puisque, bon, Gödel était quelqu'un d'assez renfermé, et Einstein était la seule personne avec qui il discutait. Et Gödel s'intéressait beaucoup à la relativité, et il était fasciné par les questions du temps, et il avait très bien compris que la relativité est incompatible avec l'existence du temps, mais il avait du mal à convaincre ses collègues. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de physiciens qui n'ont pas encore vraiment assimilé ce dogme de la relativité. Et donc, il avait dit, je vais construire certaines solutions de la relativité générale qui montrent d'une manière évidente et explicite que le temps ne peut pas exister. Et donc, il a réussi à construire cette solution. Et, disons, l'effet secondaire, l'effet collatéral de ceci, c'est que dans cette solution, dans cet espace-temps qu'il a trouvé comme solution de la relativité, ben justement, il existe des courbes temporelles fermées. C'est-à-dire, il existe justement ce qui permet ce qu'on appelle le voyage temporel vers le passé. Autrement dit, une particule, parce que là, c'était pas, disons, quelque chose qui pouvait correspondre à la ligne d'univers d'un être humain, mais en tout cas d'une particule, eh bien, une particule peut elle-même se retrouver dans son propre passé. Et dire qu'il y a une ligne d'univers comme ça, disons, presque fermée, ça veut dire, par exemple, que à un instant donné, je suis, évidemment, dans mon présent, mais je suis aussi dans mon propre futur et je suis aussi dans mon propre passé. C'est tout à fait paradoxal, parce que si on était en physique newtonienne avec la conception newtonienne du temps, ordinaire du temps, évidemment c'est tout à fait impossible. Je ne peux pas être à la fois dans mon futur et dans mon passé. Sauf que les notions de futur et de passé chronologiques n'existent pas en relativité, puisque le temps n'existe pas. En revanche, comme l'a mentionné Roland tout à l'heure, ce qui existe et qui est parfaitement bien défini, c'est le passé et le futur causal. Donc, quand on dit que deux événements sont à la fois dans le futur et dans le passé l'un de l'autre, c'est assez surprenant, parce que chaque événement peut être la cause de l'autre. Alors que dans la conception normale, un événement peut être la cause d'un autre événement s'il est situé chronologiquement avant, s'il se produit avant dans le temps. Là, la notion de avant dans le temps, ça n'existe pas. Donc, un événement peut être à la fois dans son propre futur, dans son propre passé. Ça, c'est pour avoir une notion effectivement de ces boucles temporelles liées aux lignes d'univers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous envisageons, vous, les auditeurs, comme des individus. Il faudrait comprendre que nous sommes en fait un système de cohésion de particules, et que à l'intérieur de ce système, chacune de nos particules a sa propre ligne d'univers, ce qui empêche du coup cette histoire de boucles temporelles qui pourrait être appliquée à nous en tant que système, Roland Lehoucq. Oui, c'est plus facile techniquement, de gérer la chose avec une particule élémentaire qu'avec un ensemble de beaucoup de particules élémentaires comme l'est le corps humain, a fortiori beaucoup de particules élémentaires qui sont liées entre elles et dont une conscience émerge, et donc qui pose aussi des tas de questions sur le libre arbitre, sur la possibilité de se parler à soi-même ou d'échanger avec soi-même ou de faire des choses qui sont évidemment à la source, parce que ce sont des idées quand même assez stupéfiantes, à la source de foultitude d'histoires de science-fiction, ou d'histoires tout court, mais d'histoires de science-fiction en particulier. Donc en général, oui, on traite la façon simple, techniquement simple, entre guillemets, de traiter les choses, c'est la particule élémentaire. Mmh. Un mot pour dire que effectivement, on a parlé de cette courbure de l'espace-temps, et elle est essentielle, il est essentiel de bien la comprendre pour pouvoir modéliser et envisager ces notions de voyage dans le temps. John Wheeler disait, et je vous fais réagir à ça, mais c'est finalement un peu le béaba, en relativité générale, l'espace-temps dit à la matière comment se mouvoir, tandis que la matière dit à l'espace-temps comment se courber. Mmh. Marc Lachaiserey, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est à partir de cela que Einstein envisage ce dont on a ce qui a été évoqué rapidement tout à l'heure, dont on peut peut-être dire un mot, ce qu'on appelle les ponts d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire les trous de verre. Voilà. Oui, ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que quand on parle de la courbure de l'espace-temps, ce que dit la théorie de la relativité, et qui jusqu'ici est très bien vérifiée, c'est que cette courbure est étroitement liée au contenu matériel. C'est-à-dire, si dans l'univers, il n'existe que des objets ordinaires, comme tout ce qu'on peut trouver sur cette table, dans ce studio, nous-mêmes, etc., dans ce cas-là, on est sûr que la courbure de l'espace-temps est suffisamment faible pour que ces courbes temporelles n'existent pas. L'espace-temps, disons, est ordinaire, il n'a pas une structure trop tourmentée. Donc si on veut imaginer des solutions comme celle de Gödel ou d'autres qui ont été trouvées depuis, puisqu'il y a des solutions donc avec l'univers de Gödel, il y a aussi des solutions avec des objets bizarres comme les trous de verre que vous avez mentionnés. Bon, ben, pour que ça existe, il faut qu'il y ait dans l'univers des objets qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, pour qu'il y ait des trous de verre, il faut supposer qu'il y a une substance qui a des propriétés très bizarres, qui est d'ailleurs exactement la même que celle qu'on invoque quand on parle d'énergie noire. Mmh. Donc si vous croyez à l'énergie noire, vous n'avez pas tellement de raisons de ne pas croire aux trous de verre et au voyage dans le temps non plus. Parce que c'est quelque chose qui viole ce qu'on appelle certaines conditions d'énergie, enfin peu importe. Disons que c'est des configurations qui pourraient exister en théorie, mais dans la pratique, il y a beaucoup de doutes. Alors, face à cette situation, on peut avoir plusieurs attitudes, comme celle d'Hawking, qui est un peu radicale, qui dit « Bon, moi, je pense que les solutions de la relativité générale qui permettent le voyage dans le temps, il faut les éliminer. » C'est une sorte de principe de protection chronologique qui est radical. En même temps, Hawking dit « Oui, mais c'est intéressant de les étudier parce que ça nous permet de comprendre les propriétés du temps. » Et d'autres physiciens ne s'en sont pas privés. Ils ont cherché, effectivement, des solutions qui permettent ce genre de choses. Et puis, on peut avoir entre les deux des positions transitoires, enfin un peu plus mesurées plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passerait dans des cas de ce genre. C'est assez facile, donc, comme on l'a dit, l'univers de Gödel et puis beaucoup d'autres, d'avoir des structures de l'espace-temps où, pour une particule, pour une ligne d'univers, on a quelque chose qui se referme. En revanche, si vous voulez, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, si vous voulez qu'un individu comme nous, on ait quelque chose de très compliqué, parce qu'on est fait de milliards, de milliards, de milliards de particules, qui ont chacune leur ligne d'univers, et le fait que nous soyons des individus qui avons une identité qui se maintient, ça veut dire que toutes ces lignes d'univers restent en cohérence les unes avec les autres. Donc si vous voulez imaginer un voyage dans le temps qui nous concerne nous, ça veut dire qu'il faudrait imaginer un espace-temps qui non seulement permette des boucles qui se referment, mais qui permette que ce faisceau de boucles cohérentes, de milliards de milliards de milliards de boucles cohérentes qui nous constituent, puisse se refermer en conservant sa cohésion et en conservant son identité. Or, on sait que déjà, même si on passe proche d'un objet aussi simple, entre guillemets, qu'un trou noir, déjà nos lignes vont diverger et on va être complètement déchiré par les forces de marée du trou noir. Et donc, notre identité, malheureusement, n'existera plus. Donc moi, j'ai proposé une sorte de petit principe de cohérence atténuée qui est de dire le voyage dans le temps est tout à fait possible pour une particule élémentaire. Et non seulement il est possible, mais c'est très intéressant de l'étudier et d'imaginer qu'il existe. Mais il est impossible pour un objet suffisamment complexe. Et ça veut dire qu'un objet, par exemple, qui a une volonté, qui a une mémoire, qui a une conscience, c'est forcément complexe. Donc, si ma conjecture est bonne, le voyage dans le temps est vers le passé, je parle, dans le passé. Est malheureusement impossible pour les êtres humains. Roland Lehoucq, le scénario, ces scénarios que vous évoquiez qui ont nourri la fiction, la science-fiction, l'assassinat des grands bourreaux de l'histoire, le scénario d'Hitler, de la mort d'Hitler, tout ça, c'est fini. Bien sûr, ça soulève aussi des paradoxes logiques, évidemment. Si vous pouvez voyager dans le passé tel qu'on l'imagine de façon classique, alors se produisent des paradoxes et des situations stupéfiantes qui sont évidemment à la source d'histoires incroyables. Vous pouvez aller dans le passé et malencontreusement tuer votre père ou votre grand-père, et du coup, ça pose la question de votre existence. Donc on trouve des situations contradictoires. Vous existez et vous n'existez pas. Vous pouvez aussi aller dans le passé et donner et vous transmettre un livre que vous avez écrit dans le futur, mais que vous transmettez à votre moi du passé, vous lui donnez, et là, du coup, le livre, en fait, est écrit avant, et on retrouve des événements qui n'ont pas de cause, on trouve des choses qui n'ont pas de cause. Alors, évidemment, si on peut faire ça, on va commencer à pouvoir violer, finalement, la causalité, pouvoir faire des choses qui sont si stupéfiantes que ça fait des histoires intéressantes, même au point qu'il y a une histoire de Robert Heinlein, une nouvelle de Robert Heinlein, de l'auteur américain Robert Heinlein, qui s'appelle All Your Zombies, et qui a fait un film Prédestination. Et en gros, je vais un peu vendre la mèche, hein, tant pis, vous, mais regardez le film, il est super intéressant. En dépit du nombre de personnages que vous voyez dans le film, de sexes différents et d'âges différents, en fait, il y a un seul personnage. Et toute l'astuce, c'est de jouer avec tous les paradoxes temporels. Évidemment, c'est une chose tout à fait paradoxale, mais qui donne des histoires incroyables. Et donc, je pense que cette histoire de voyage dans le temps, et singulièrement de voyage dans le passé, elle reste source de si belles histoires, elle est source d'un intérêt si grand pour les paradoxes, pour toutes les situations que cela crée, que même, quoi qu'on dise la physique, d'une certaine façon, ces histoires perdureront, resteront et seront toujours écrites, même dans le futur. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien parce que ça bouscule un peu nos tentations anthropocentristes systématiques, c'est l'idée que si les voyages temporels ne sont pas venus à la fameuse fête de Stephen Hawking, finalement parce que nous sommes totalement insignifiants sur l'échelle du temps, que l'histoire de l'humanité est tellement courte et que nous en sommes tellement au début, que pourquoi est-ce que nous intéresserions ces voyageurs temporels? Ils auraient beaucoup d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir dans l'histoire de notre planète. Pourquoi les voyageurs du futur ne sont-ils pas ici en train d'écouter cette émission? Parce que ça les intéresse pas, on dit des choses tellement banales et inintéressantes. Il y a une nouvelle de SF aussi très marrante où tout le public de la crucifixion, c'est les voyageurs temporels. Il paraît que c'est super important, on va tous y aller. Et puis, en fait, le public, c'est ça. J'ai lu ça. Je voulais quand même faire une remarque. Pour conclure, je sais pas si ça permettra de conclure, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces énoncés à propos du voyage dans le temps vers le passé nous paraissent très bizarres, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne violent jamais la logique et toutes les solutions que permet la relativité générale donnent lieu à des situations certes bizarres, étranges, inhabituelles qui nous surprennent, mais qui jamais ne sont en contradiction avec la logique. C'est-à-dire il n'y a pas de situation où on existe deux fois en même temps, quoi. Pour aller plus loin, parce que le temps nous est compté, je vous suggère donc Voyager dans le temps, la physique moderne et la temporalité de Marc Lachiezeray dans la collection Science ouverte du Seuil. Merci beaucoup Roland Lehoucq aussi. Hein. Vous pouvez lire Idées noires de la physique, c'est aux éditions Les Belles Lettres, que vous avez coécrit avec Vincent Bontemps. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Mathieu Lefrançois, Milena Hellig à la réalisation, Jean-Richard Dufour à la technique. Et puis si vous voulez revenir dans le passé pour réécouter et vous emplir de cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, sur la page de la méthode scientifique. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.